Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Bonsoir Marc. Bonsoir Michel et bonsoir chers auditrices et auditeurs. Ce soir, Marc, on commence avec une nouveauté italienne. C'est le groupe La Bocca della Verità, un groupe qui, comme plusieurs, a fait ses débuts comme groupe d'interprétation. Il reprenait du Pink Floyd, du Emerson, Lake & Palmer, Genesis, PFM, et j'en oublie sûrement. Mais enfin, le groupe a décidé de passer de l'interprétation à la composition et un premier disque est paru en 2016 sous le titre de Have Not, toute une entrée sur la scène musicale progressive. Un groupe en passant qui compte dans ses rangs le Guglielmo Mariotti, ancien bassiste de The Watch. Un nouvel album donc qui est paru sous le titre de Unconnected et on aura deux extraits ce soir, Winter in Our Mind et Hikikomori Humanity. Et puis Marc, par la suite, ben, on a une formation norvégienne qu'on apprécie beaucoup tous les deux. Oui, en effet, il s'agit de la formation Shortcha et ce sera un extrait de leur nouvel album qui paraîtra le 6 octobre prochain, qui a pour titre Saliget. Donc, 7e album pour cette formation qui nous épate depuis le début avec d'excellents albums. Alors, ce soir pour vous, on aura la pièce Ura et ce sera suivi de la formation française Cyland qui ont présenté cet été des spectacles, entre autres au festival Crescendo en France. Alors, on aura ici la pièce Else qui fera partie de leur prochain album. La formation a fait paraître plusieurs simples. Et donc, leur prochain album qui aura pour titre « The Man Who Falls From Nowhere ». Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec deux pièces du nouvel album de La Bocca della Verità. As the frost breaks the wings of butterflies, so we broke the wings of our minds. Our reasons, we led them before the lords of time. They heard our words, but they an answer. Thank you. Thank you. Everything outside is difficult. There are loud noises, much confusion. People walking on the streets, they don't see me. No one speaks to each other. Thank you. let you drown in the laws of Sardai till you find an unlit quasar. Tangerine feels the shoes for I ever knew. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. Samedi soir à Télé-Québec est une expérience hallucinante. Je sais pas du tout de quoi on va me parler. À 20h, vivez le talk show réinventé avec Pour une fois. J'ai plein de questions à poser. À 21h, faites du bruit sur une scène endiablée avec Belle et Bum. On a une belle soirée devant nous. Et à 22h, plongez tête première dans des histoires improbables avec notre programmation cinéma. Si on faisait un jeu... Les samedis soirs... Je trippe. Vivez l'expérience à Télé-Québec. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pains, sandwicheries, pizzas et calzones cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteàpain.com. Venez visiter les jardins historiques du domaine Cataraqui les 16 et 17 septembre. Dans le cadre de la Capitale s'anime, nos guides animateurs sur place vous offriront de 10 à 16 heures des tournées commentées des jardins de cette villa anglaise du 19e siècle, véritable joyau de l'horticulture. Cette activité de la Commission de la Capitale nationale du Québec est gratuite. C'est un rendez-vous les 16 et 17 septembre au domaine Cataraqui situé sur le chemin Saint-Louis à Québec. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Pour la prochaine demi-heure, on aura, dans un tout premier temps, Karma Moy, formation italienne, qui vient de lancer un tout nouvel album, Strings from the Edge of Sound, un album qui propose des versions avec orchestre de pièces parues sur les disques précédents. On parle de 5 pièces et 4 nouvelles. Et de cet album, on va écouter la pièce Black Hole Era. Et par la suite, Marc, on présente un troisième extrait d'un nouvel album d'un groupe norvégien qu'on apprécie beaucoup. Oui, en effet, on est chanceux d'avoir des pièces en primeur à vous présenter de ce nouvel album de la formation 35 Tapes, qui a pour titre Fabric of Time, et dont la date de parution est prévue pour le 13 octobre. On sait que la formation est constituée de musiciens qui ont débuté dans les années 70 et qui n'avaient pas fait paraître d'album avant les années 2000, alors c'est leur troisième album et ce sera suivi du nouvel album du guitariste Nick Fletcher qui vient de paraître le 15 septembre, qui a pour titre Quadrivium. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un musicien britannique qui joue actuellement avec John Hackett Band. Et sur cet album-là, il est accompagné de Annika Niles, qui était batteur pour Jeff Beck. Il y a également Dave Bainbridge, qui participe à quelques pièces sur cet album-là. C'est une longue suite qui explore différents styles musicaux, le jazz, le blues, le rock progressif. Alors, on aura pour vous ce soir la pièce Standing on the Edge of Time, qui conclut cet album. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, on débute avec une nouvelle pièce du nouvel album de la formation italienne Karma Moy. « Who am I? Where am I going? Who is throwing me into a blaze? Without a blaze, I can't flee.

plus de 40 variétés de pain, sandwicherie, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Docteur Jean Drouin, Caroline Simard, Francine Chatigny, Raymond Poirier, Raymond Côté, Bernard Saint-Onge, Rémi Silès, Georges Goma, Valérie Levé, Benoît Béchard, Pierre Blais. Ici Caroline Stephenson. Avec toute l'équipe des Matins éphémères, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 7h à 9h pour bien débuter la journée sur les ondes de CKRL 89.1. You know what I mean? Julie Vignola, Luc Ferland, Jean-François Artaud, Michel Marcoux, Nicolas Médieu, Gilles Chaumel, Robert Boitler, Christian Carles, Christian Gérard, Caroline Ménard et Barbel Ring. One special vibe. CKRL 89.1. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors dans le prochain bloc musical, on aura la formation grecque Cicada et ce sera un extrait de leur premier album qui a pour titre A Child in the Mirror. On sait que la formation a également fait paraître un album en 2015 et leur plus récent en 2021, l'excellent Harvest. Alors, de ce premier album, on aura la pièce Cicada, c'est aussi la pièce d'ouverture. On aura également la formation américaine Ample Deed, qui ont deux albums à leur actif. Un premier paru en 2013 et leur second en 2016. Alors, ce sera un extrait de leur plus récent, qui a pour titre Biob. On aura la pièce Triple Cancer Moon. On aura également la formation de Worm Ouroboros de la Biélorussie ou du Bélarus. Et ce sera tiré de leur plus récent album Endless Way From You. La formation a deux albums à son actif et celui-là, c'est leur plus récent. Leur premier était paru en 2013. On aura la pièce de Reality You Can't Stop Dreaming. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va en Italie avec un de mes albums préférés de cette année. Oui, je pense qu'on peut dire que ça nous provient d'Italie. C'est le plus récent album de The Samurai of Prague. C'est The Man in the Iron Mask featuring Oliviero Lacagnina, claviériste des membres fondateurs de la formation italienne des années 70 Latte e Miele, un groupe qui en 1972 a présenté, on peut dire, le classique Passio Secondum Matteum et en 73 l'excellent Papi. Et Oliviero Lacagnina a composé toutes les pièces de cet album de Samurai of Prague. Et évidemment, c'est lui qui assure les claviers tout au long de cet album. Et on va entendre la pièce Richelieu Testament. Like a leaf glides down a winding stream, making its way to the sea. I've traveled through this life, through our shared history, offering my every deed, every moment, every hope. for this country. I'll leave my life without regret with a light soul. Great France, it's my pride. Yet there are so many loose ends untied. Problems we've yet to resolve. My king, I'm entrusting our very destiny and the crown all in your hands. I will let no one threaten the throne, ever knowing they share the same blood. D'Artagnan, journey you must to England to return the man without a name to dwell in France. CKRL 89.1, 50 ans de radiophonie. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pains, sandwicheries, pizzas et calzones cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. CKRL 89.1. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation française Nemo. Et ce sera un extrait de leur album Le Vert dans le Fruit, un album double paru en 2013. La formation a 11 albums à son actif de 2002 à 2022. Alors de cet excellent album, on aura la pièce Le Fruit de la Peur. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on y va du côté de l'Italie. Oui, avec un groupe qui a pour nom Granigi della Valle. Malheureusement, un groupe qui n'est pas très productif, mais qui a deux excellents albums à son actif. On va écouter un extrait de son second qui a pour titre Warm Space Blue, un album qui a été réalisé pour le compte de la fameuse maison italienne Black Widow. Et le titre de la pièce, et là je vais me risquer, mais j'avoue que j'ai pas vraiment idée précise de la prononciation, c'est Call for Chutlu Horizon. Mon Dieu, j'espère que les musiciens vont me pardonner mon massacre. Et on y va en musique avec Ingranaggi della Valle. Thank you. suffit de semer la graine en brillant d'une part souveraine. Et si elle pousse, si elle fleurit, elle deviendra si belle qu'il n'y aura plus pour la faucher qu'elle levait les bras au ciel. Ce matin, le poste me réveille, répondant à cette triste nouvelle. Et l'angoisse grandit en moi. Ai-je rêvé, imaginé? Ai-je bien entendu ses voix? Aujourd'hui, tout espoir a fui. Les jours passent aux couleurs de la nuit. Qui m'étouffe entre ses bras. bien oui, c'est déjà le temps de vous laisser. Et ce soir, on a choisi une pièce de l'album Number 7 de la formation américaine Fido. Et ce sera la pièce Gift of the Flame. Incidemment, un groupe qu'on a eu le grand plaisir et l'honneur de recevoir à deux reprises dans le cadre du festival Terra Incognita. Et à chaque fois, c'était mémorable. Il faut dire que c'est assez impressionnant de voir le groupe sur scène, une dizaine de musiciens. Et je vous jure qu'une fois que tout le monde est installé, il ne reste plus grand place sur la scène de la chapelle. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous évidemment la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Wondering what